pas celui qui connaît pas les paroles. Midnight Oil, c'était ce monsieur homosexuel. C'est une chanson pour les homosexuels d'ailleurs. Mais bon. Camoulox. Mais en 84, tout le monde pouvait faire un disque. Tout le monde pouvait faire un disque. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Ah, Obal. Obal Maski. Bon baiser de Port-au-Prince. Une chanson qui s'appelle Soyez prudents sur la route. Les mecs, ils ont trouvé un super titre.